Je m'amuse un peu pendant les vacances, chez Soubérou, puis à Farérolles. Monsieur Soubérou est un maraîcher des environs. Je descends dans la ville, je prends le Breuil. Au fond du Breuil est la tannerie, avec ses pains de tourbe, ses peaux qui sèchent, son odeur aigre. Je l'adore, cette odeur montante, moutardeuse, verte, si l'on peut dire verte, comme les cuirs qui faisant dans l'humidité ou qui font sécher leur sueur au soleil. J'arrive dans le pays des jardiniers. Que c'est vilain, le pays des maraîchers. Autant j'aimais les prairies vertes, l'eau vive, la verdure des haies, autant j'avais le dégoût de cette campagne, arbres courts, à plantes pâles qui poussent, comme de la barbe de vieux, dans un terrain de sable ou de boue, sur le bord des villes. J'arrive chez Monsieur Soubérou. Veux-tu t'amuser, m'aider à arroser les choux? Me dit le père Soubérou. Non, je ne veux pas m'amuser. Aider à arroser les choux. Si ça l'amuse lui, tant mieux. Je ne veux pas priver Monsieur Soubérou d'un plaisir. Et je lui réponds par un mensonge. Je suis tombé hier, et je me suis fait mal aux reins. J'aime les choux, mais cuits. Je vais ensuite chez mes tantes, à Farérolles. Ma mère veut que son Jacques soit un monsieur. Lui a-t-elle fait des redingotes avec olive? Acheté un tuyau de poêle, mis des sous-pieds, pour qu'il retombe dans le fumier? Retourne à l'écurie mettre des sabots? Je ne me plais qu'à nouer des gerbes, à soulever des pierres, à lier des fagots, à porter du bois. Je suis peut-être né pour être domestique. C'est affreux, oui. Je suis né pour être domestique. Je le vois, je le sens. Mon Dieu, faites que ma mère n'en sache rien. J'accepterai d'être Pirouni, le petit vacher. On laisse Pirouni se dépoitrailler quand il a chaud et se dépeigner quand il en a envie. On n'est pas toujours à lui dire « Laisse tes mains tranquilles. Qu'est-ce que tu as donc fait à ta cravate? Tiens-toi droit. Est-ce que tu es bossu? Il est bossu. Boutonne ton gilet. Retrousse ton pantalon. Qu'est-ce que tu as fait de l'olive? L'olive, là, à gauche, la plus verte. Ah, cet enfant me fera mourir de chagrin. » Mais les grands domestiques aussi sont plus heureux que mon père. Ils n'ont pas besoin de porter des gilets boutonnés jusqu'en haut pour couvrir une chemise de 3 jours. Ils n'ont pas peur de mon oncle Jean, comme mon père a peur du proviseur. Ils ne se cachent pas pour rire et boire un verre de vin quand ils ont des sous. Ils chantent de bon cœur à pleine voix dans les champs quand ils travaillent. Le dimanche, ils font tapage à l'auberge.